Il s'agit du flow de cast. Ça pue ta mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oh, c'est un véritable bonheur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Floodcast. Un épisode encore enregistré à distance car nous sommes encore en confinement. Techniquement, quand vous entendez ce podcast, vous ne l'êtes plus. Enfin, en tout cas, bah, normalement. On espère. Normalement, on est le 11 mai, donc normalement. Normalement c'est bon, un Floodcast un peu particulier, non seulement donc effectivement parce que nous sommes confinés. Oh non notre... mais j'ai fait l'erreur. C'est j'ai notre média l'erreur. qu'on lance, on peut le dire. C'est notre... On peut le dire confini. Ici même. C'est fou qu'ils aient pas eu l'idée. De quoi donc de dire confini. Ah mais parce que ça fait confini comme des gens qui sont des confinis. Oui c'est vrai, je suis con. Je pense que c'est pour ça. Oui. Oui, un épisode un peu spécial parce que voilà. Adrien Méniel. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? J'imagine que tu fais référence au fait que je suis un streamlord désormais. Alors, il y a ça. Mais moi, je parlais du fait que tu as eu 40 ans. Ah, bordel. Le 25 avril. Mais pour et j'ai envie quoi de te me dire le rappeler? Ça, quel anniversaire. Ça, quel anniversaire, ça, bon quelle sang. Vieillesse. Non, mais pas du tout. Oh. Alors, évidemment. Bon, écoute, évidemment, bon anniversaire. Alors, ça me fait plaisir que ça... Ça te fasse chier que je te le rappelle parce que j'ai préparé une petite surprise, évidemment. Bon, déjà, peut-être la musique était un petit peu trop excitée, donc je mettrai une musique qui te correspond un petit peu mieux. Oh oui, The Four Tops, bien sûr. Loco in Acapulco. Loco in Acapulco, une chanson que tu chéris tant, évidemment. Bah écoute, je la mettrai dans mes streams désormais. Alors c'est vrai que t'es streamland, on va y revenir Adrien, puisque voilà, tu ne sais pas ce qui va se passer dans ce Floodcast, je l'ai préparé dans mon coin. Oh merde. Et sache que ça, quelle surprise. Oh merde. Oh ah là non là. Alors mais écoute, évidemment, alors normalement j'aimerais t'envoyer des sons de façon un peu plus propre, donc toi tu vas tout recevoir de façon dégueulasse, donc oui. Tu pourras réécouter cette émission après coup. Mais avant toute chose, j'aimerais commencer avec ceci. Bon voilà, hier je me baladais sur internet afin de mater un excellent boulard, mais juste avant ça, je suis allé faire quelques recherches sur cette légende nationale, Adrien Méniel. Représentant du vrai hip-hop et monstre du stream pro, il a marqué le 21e siècle avec ses talents pour la comédie et ses imitations de François Mitterrand. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur Adrien Méniel. Un bon baiseur. Voilà JB qui a oh là tenu là. À enregistrer cet hommage... à ta personne, Adrien. Bah écoute, je suis très ému. Non, mais en vrai, hein, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un Floodcast d'anniversaire. Écoute, bah attends, moi je me suis dit qu'est-ce qui ferait plaisir. Mais tu sais que j'ai bossé, hein. C'est-à-dire que j'étais bloqué de Twitter pour mettre une annonce pour les gens afin qu'ils ne te mentionnent pas. Ce qu'ils ont, ils l'ont fait. Et alors c'est assez rare pour incroyable, le dire. Incroyable, ouais. Pour une fois, ouais. Oui, parce que quand même au Bataclan, quand on dit aux gens soyez parfaitement silencieux, ils hurlent. Donc a priori, ils ne respectent pas les consignes. Mais là, oui. Oui, écoute. Là, ils ont été extrêmement gentils. Ils ont vraiment suivi. Donc ouais, Adrien Méniel, tu as 40 ans. Eh oui. Tu as eu 40 ans le 25 avril. Tu es né le 25 avril, soit le même jour que Al Pacino, et Albert Uderzo et Karine Ferry et Jean Carmet. Tiens donc. Eh alors oui. Ça fait plaisir. Et tu es né à Saint-Germain-en-Laye, comme Jordi, Karen Cheryl ou encore Jean-Marie Le Pen. Et Albert Dupontel. Le Pen, c'est pas vrai par contre. Ah si, je te jure, écoute. N'importe quoi. Ah. Mais quoi, il est né à Saint-Germain-en-Laye. Mais arrête de mentir. Mais Jean-Marie Le Pen est né à Écoute-moi bien. Je cherche immédiatement. Déjà, je vais l'imiter. Oui. N'est-ce pas? Ah oui, non, il est né à la Trinité-sur-Mer, ça n'a rien à voir. Mais il est breton de ouf. Écoute, quand tu vas sur le Wikipédia de Saint-Germain-en-Laye, il y a Jean-Marie Le Pen, je peux pas te dire mieux. Putain, bah écoute. Mais, écoute, non. Peut-être ils essaient de voler le buzz de Jean-Marie Le Pen à Saint-Germain-en-Laye, ouais. C'est possible. Mais Albert Dupontel en tout cas est né à Saint-Germain-en-Laye. Et ça c'est quand même plus stylé, moi j'essayais évidemment de t'humilier. Ouais, bien sûr. Selon un article du top 20 des meilleurs tweetos de 2016, tu n'es pas le plus barré, ni le plus inventif, ni le plus incisif de Golden Moustache, mais au rapport tweet-rire, c'est de loin le toi le plus constant. Oui. Ça c'est JQ ça. Je m'en rappelle. Ouais, c'est JQ qui avait fait cet article où il mettait les meilleurs tutos. Il y avait un peu nous tous. Et ce qui était drôle, mais il est toujours en ligne d'ailleurs, je vous invite à aller le checker. Il n'y avait jamais vraiment un compliment. Ouais, ouais, mais tu veux dire dans le mien, dans mon truc? Mais en vrai, dans un peu tous, hein. Enfin, ah ouais. Si tu les relis, c'est pas dingue. Bah, moi, il me semble qu'il n'y avait pas Vincent Tirel. Il y a Vincent, il y a moi, il y a toi. Ouais, ouais, ouais. Si, parce si, que Vincent, juste, Vincent, tu vois, Vincent va, il disait ouais, parfaitement déjanté, un artiste incompris et tout, machin. Et moi, c'était genre, bah, c'est pas le meilleur, c'est pas le plus marrant, c'est pas le plus ouf. Mais bon, quand même, il est régulier. Tu fais bon, bah, merci pour. c'est vraiment un 11 sur 20. Ouais, c'est ça. En termes de compliments. Tu es comédien, tu es auteur, tu es réalisateur et tu es même, selon IMDB, directeur des effets spéciaux. À ton avis, sur quel sketch? Défense personnelle? Alors, non, c'est sur Victime Express, mais c'est du même niveau en termes d'FX. Tu es vraiment Art Director of Special Effects. Bah, je te bien le dis sûr. Tout de suite. Parce que c'est en anglais, c'est IMDB. Bah, y a pas mal de boulot, hein. Et alors, j'ai tapé chanson Adrien Méniel sur YouTube, voir s'il y avait des chansons à ta gloire. Il y en avait qu'une, et alors je vais pas te mentir, j'ai l'impression qu'elle a été un peu enregistrée pour tout l'Adrien. D'accord. Bonjour Adrien, j'ai une jolie chanson pour toi. Ça s'appelle La danse d'Adrien. Danse avec moi, la danse d'Adrien. La chanson s'appelle La danse, hein, déjà. La danse d'Adrien. Oui, oui, non, mais je veux dire, c'est une chanson qui s'appelle La danse. Donc c'est mais déjà une chanson qui s'appelle La danse, mais qui est extrêmement badante. Oui, c'est ça. C'est la dernière danse avant le cercueil. Et alors, ça vient. Attends, ferme ta gueule parce que ça hurle dans mes oreilles. C'est Star My Name qui organise ça, mais je te cache pas qu'il y en a une qui ressemble un peu, qui s'appelle Danse avec moi, Laurent. Bonjour Laurent. Il y a celle-là sinon. Bonjour Noah. Bonjour Joachim. Il y en a près de 200, donc voilà, je crois que c'est pas très personnalisé. Ouais, et vu bon. Que moi j'avais envie quand même que t'aies une chanson personnalisée, bon, tu le sais, je tripote un peu de cet instrument ô combien sensible que sont mes cordes vocales. Bien sûr. Et voilà, je voulais te faire une petite chanson que je t'invite à écouter. Adrien, ton couteau, ta banane, ton chien et ton sexe en forme d'amphore. Adrien, le gaming c'est ta croix, l'enfant d'Alain Chabat et Crazy Frog Manga. Amoureux de la tech, le nez fourré dans tous les ordis. Au basket, en arrière, tire 3 points, petit saut et Kobe. Wow, wow, wow, bon anniversaire. T'as fêté tes 40 ans en quarantaine. Fait référence au confinement, je sais pas si tu l'as comprise. C'est un jeu de mots qui se lie bien à l'actualité. Après, attention les auditeurs, si vous avez des proches qui ont attrapé ce virus, j'y avais pas pensé, donc je suis vraiment désolé. Adrien, c'est tant qu'on se connaît, c'est tant qu'on est amis, et merci. Grâce à toi, je suis un peu moins sexy, je fais des imitations, cracra, je suis Jacques Chirac. Notre-Dame, Black Mirror, Antoine de Saint-Exupéry. On t'aime tous presque autant que toi t'aimes ton petit chien Francky. Je regrette ma blague sur la quarantaine. J'avais pas pensé aux tenants et aux aboutissants. C'était un trait d'esprit sympa et maintenant je me rends compte des dégâts. Faut que je passe à autre chose, mais je ne pense qu'à ça. Cette chanson devait te faire plaisir, mais maintenant je suis cancel. Alors bonne anniv Adrien Méniel. Et voilà. Je suis vraiment ému en fait, en plus de rire énormément. Ah bah non, mais ça fait plaisir. Écoute, Et on peut biper des trucs, hein, tu sais, sache que tout est bipé, tout est montable, je ne veux pas... J'assume tout, y compris la forme de mon sexe, prétendument. Non, mais je parle de là même, je parle de la suite de ce qui va se passer dans ce podcast, puisque... Ah, d'accord. C'est une émission de Michel Drucker, je te le dis comme je le pense. Nous sommes en plein Michel Drucker, mais il y a des choses... Voilà, moi, le podcast, c'est une émission pour les auditeurs, mais c'est aussi un moment que je passe avec toi, donc il y a des trucs qui sont là... Je vais pleurer, en fait. Bah, écoute, c'est mon unique but. C'est, écoute, bah, franchement, déjà, là, j'étais pas loin, déjà, juste avec cette chanson, donc... Alors écoute, pour te célébrer Adrien, donc effectivement il y a une chanson qui parle évidemment des plus grands moments de ta vie, mais j'ai essayé de dresser un espèce de frise de ce que peut être Adrien Méniel pour les spectateurs. Je garde évidemment pour mon petit cœur toutes tes qualités que tu as dans notre vie intime, Adrien, mais oui. Pour les gens, tu as été très, pour beaucoup de gens, le représentant du vrai hip-hop. C'est vrai. C'est maintenant sur Twitter, sur Internet, c'est comme ça qu'on te définit. C'est vrai. Et j'avoue avoir un peu gratté pour avoir plus d'informations à ce sujet-là. Et j'ai quelqu'un qui a un message pour toi. Je crois en toi, Big Flo. Ça, c'est des mots que Adrien m'a prononcé un soir lors d'une soirée hip-hop. Et ça, ça a marqué ma vie, quoi. C'est cette phrase qui m'a aidé à tenir et qui a fait... que j'ai eu la carrière avec mon petit frère qu'on a aujourd'hui, quoi. Adrien, c'était quelque chose, quoi. C'était vraiment le vrai hip-hop quand il arrivait en soirée, en open mic. Tu vois, tout le monde posait quasiment un genou à terre, quoi. On voulait juste avoir la chance de rapper devant lui, de pouvoir montrer un peu nos techniques devant lui. C'était un peu le petit prince du flow. C'était un peu l'empereur de la rime, quoi. Et c'est sûr que j'oublierai jamais ce qu'il m'a dit. C'est ces mots-là qui ont fait sûrement que j'ai vendu un million d'albums. Ah, Big Flo, du duo Big Flo et Oli, évidemment, qui remplissent des stades, je vous le rappelle. Mais je savais pas qu'il avait vendu des millions d'albums parce qu'il est assez discret là-dessus d'habitude. Mais qui dit vrai hip-hop dit effectivement, alors ça c'est la jeune génération, ce sont les petits minots, ceux effectivement que t'as lancé, à qui t'as mis une petite tape sur la nuque. Bah c'est ça, je lui ai dit arrête tes conneries, là t'es en train de... Justement avec ces cartes Pokémon à la con là. Je lui dis, mais c'est ça que tu veux faire toute ta vie, mec. Prends le micro et dis ce que t'as sur le cœur. Et voilà, c'était pas grand-chose, mais apparemment, j'ai bouleversé pas mal de vies, dont la sienne. Quoi. Pour toi, c'était pas grand-chose. Pour lui, ça a quand même changé sa vie, mais pas que lui, puisqu'on a aussi un ami, quelqu'un qui est venu dans la maison, qui voulait parler de ton importance dans le hip-hop. Alors, pour parler de ça, je pense que je vais devoir raconter une anecdote. Cette anecdote, c'est non pas ma découverte, mais en tout cas le moment où je tombe... profondément amoureux du hip-hop et du rap, et où je me dis que c'est la musique pour moi. Je suis en... Ça va sembler étonnant, mais je suis en Grèce. En colonie de vacances, vers 2000, 99, 2000, un truc comme ça. Je suis sur l'île de Paros. Voilà, il faut imaginer cette île qui est une île qui n'a absolument aucun intérêt. Je suis sur l'île de Paros, avec mes potes, voilà, on est sur la plage, on dormait sur la plage à ce moment-là, c'était l'enfer. Voilà, entouré par des chiens sauvages et je dormais avec une poussière dans l'œil pendant 2 semaines, c'était une horreur, mais c'est pas vraiment le sujet. À ce moment-là, moi, musicalement, j'écoute un peu tout, j'écoute aussi bien des compiles de musique italienne que des trucs de pop, que 2-3 morceaux de rap, je n'ai absolument aucun goût. Et on est là, donc, un jour, à Paros, donc, et il y a un mec au loin qui marche tout seul. Et en fait, on l'avait déjà vu 2 jours avant. Et 2 jours avant, il était en train de beatboxer, de faire du beatbox sur la plage. Bon. Et là, il est là, il est habillé un peu bizarrement, un mec cheveux longs, un peu comme, vous voyez, quand on a dans Usual Suspect, on a des sortes de flashbacks d'images de Kaiser Soze, de dos cheveux longs. Et ben, ça, le mec ressemblait à ça, un peu à cette image-là qu'on fait de Kaiser Soze pendant tout le film. Mec habillé très bizarrement, mais extrêmement élégant. Et il vient nous voir et bah, il vient vers moi, en fait. Il vient vers moi. Et oh, je suis un peu effrayé, mais je dois reconnaître que je suis aussi assez fasciné. Et irrémédiablement attiré par cet homme. J'ai pas peur de le dire. Et là, il vient me voir et il me dit, écoute, Mehdi, je suis le hip-hop. Je suis le représentant du vrai hip-hop. Alors, moi j'en ai rien à foutre à ce moment-là, hein, du hip-hop, je comprends pas pourquoi ce mec me parle, j'ai pas bien compris. Mais il me dit, écoute, j'ai tout donné pour le hip-hop. Le hip-hop, c'est moi. Il me dit ça un petit peu à la Stallone dans Judge Dredd ou à la Alexis Mananti dans Les Misérables. Bref, en tout cas, il y a beaucoup d'aplomb. Et à un moment où il me dit que le hip-hop, c'est lui, eh ben, je le crois, en fait. J'en ai rien à foutre, mais je le crois. Il me dit, voilà, j'ai tout donné et le prochain, c'est toi. J'ai une mission pour toi. Le hip-hop a une mission pour toi. Et là, il me dit, Afrika Bambaataa a une mission pour toi. Alors, moi, je ne sais pas qui est Afrika Bambaataa à ce moment-là, donc j'en ai rien à foutre, encore une fois. Et il me dit, viens avec moi. Alors, évidemment, à ce moment-là, j'ai 14 ans et suivre un inconnu sur une plage n'est pas la bonne chose à faire. Et pourtant, je le fais. Je le suis. Ce mec-là, vous l'aurez évidemment compris, il s'agit d'Adrien Méniel. Et j'ai passé... La colonie de vacances durait 21 jours. À ce moment-là, en fait, je suis resté... Bon, ça crée beaucoup de soucis, hein, avec mes parents qui sont inquiétés, etc. à l'époque, mais j'ai passé 6 semaines avec lui sur l'île de Paros. Lui et moi. Je peux pas... Voilà, on peut pas raconter absolument tout ce qui s'est passé, mais ça a été une sorte de voyage initiatique pour moi, où il m'a tout transmis. Il m'a tout transmis. Toutes ses connaissances sur le rap, sur le hip-hop, plus globalement sur la musique, et j'ai pas peur de le dire, sur la vie. Pour moi, ça a été un mentor, et aujourd'hui, si j'ai pu faire une petite carrière dans le journalisme rap, j'ai pas peur de le dire, hein. C'est quasiment exclusivement grâce à lui. Il a accepté, il a jamais eu à se justifier de ce qu'il a fait pour cette culture-là. J'ai pas envie, bon, ça va me mettre mal à l'aise, mais je vais vous dire un truc. On raconte souvent, vous savez, l'histoire, ça c'est une histoire vraie, hein, que le premier mixtape, voilà, premier album d'IAM, Concept en 89, il y a une sorte de légende qui raconte que c'est Joe Star qui était à Marseille, qui a trouvé la cassette et qui l'a ramené à Paris. Et c'est comme ça que la carrière d'IAM a débuté. Moi, j'ai pas le droit de tout dire et c'est pas à moi de le faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Joe Star n'est jamais allé à Marseille en 89 et que la personne qui a ramené cette cassette. Bon, voilà. Enfin, voilà. Moi, je vais pas m'éterniser. Ça fait déjà un moment que je parle et puis c'est toujours un peu émouvant puisque moi, c'est un grand frère pour moi. Mais voilà, je voulais évidemment lui souhaiter un joyeux anniversaire et surtout. Lui dire merci parce que sans lui, j'en serais pas là. Et je le remercie, mais je le remercie au nom aussi du hip-hop. Ben c'est... Ouais, je... Bon, ben je... Tu sais que j'aime pas tirer la couverture à moi, donc j'ai jamais raconté cette histoire, mais... Bah non, je sais que c'est aussi ça qui fait que tu représentes le vrai hip-hop, puisque tu représentes également toute la modestie qui entoure cette musique urbaine. Bien sûr, le hip-hop qui est connu pour ne pas trop en dire. Je souligne d'ailleurs, puisqu'il du coup, il a raconté cette anecdote, que c'est moi aussi qui du coup ai lancé la tendance des rappeurs aux cheveux longs. Parce que du coup, j'avais les cheveux longs à l'époque, comme il dit, et à l'époque, il n'y avait pas du tout de rappeurs avec les cheveux longs. Maintenant, voilà, ils ont tous les cheveux longs, et c'est vrai que c'est aussi moi qui ai lancé cette tendance-là, quoi. Mais voilà, mais encore une fois, on est là pour te célébrer, donc tu as le droit d'en parler. Vraiment, les personnes ne sera choqué. On n'a pas tous les jours 40 ans, hein. Voilà, il faut savoir le mentionner. Merci à Mehdi quand même qui nous a envoyé. Mehdi Maizi, évidemment, journaliste rap qui fait de très bons lives d'ailleurs pendant tout ce confinement. Maintenant que vous l'écoutez, je ne sais pas s'il va continuer quand vous écouterez ce podcast, mais en tout cas, qu'on va sûrement retrouver en podcast et tout, et qui faisait une très bonne émission qui s'appelait La Sauce. Et qu'on a déjà évidemment reçu dans ce floodcast. Celui, bien on sûr. Imite Chirac, vous saurez le reconnaître. C'est vrai. Donc Adrien, effectivement, tu représentes le vrai hip-hop, mais il y a eu ce qu'on appelle une transition récemment. Une transition puisque maintenant tu fais du stream. Oui. Alors ça, j'aimerais que t'en parles parce que bon, c'est un véritable succès, déjà on peut le dire. Ben... après je suis Streamlord, alors est-ce que c'est moi qui me suis attribué ce titre moi-même? Effectivement, mais personne ne l'a contesté. Non, non, effectivement. Oui, bah en fait, non, mais pour parler sérieusement, moi, ça a débuté avec le stream que j'ai fait suite à ce jeu avec Guillaume Canet. Et donc, je voulais poursuivre ça et puis aussi honorer ma promesse faite lors du Téléthon Gaming, qui était que je ferais une heure de live. Donc j'avais fait ce live et puis j'ai pris goût, notamment en grande partie parce que les gens étaient vraiment, enfin le public est vraiment très très cool, et du coup ça donne envie de continuer à faire d'autres trucs. Et puis je sais pas, ça tombe au bon moment en fait avec le confinement, où ça me, à la fois c'est cool à faire, je pense que ça, les gens ça leur plaît aussi, et puis ça m'occupe mine de rien, ça m'occupe l'esprit, donc c'est cool quoi pendant le confinement. Et donc voilà, je fais des streams quasiment tous les jours depuis un peu avant le 25 avril, puisque ouais, j'ai pu, enfin ça fait disons je sais pas 15 jours un peu plus que je fais des streams quasiment tous les jours, et c'est chouette. Et du kiff, ouais, c'est parce que c'est un exercice difficile, hein. Bah ouais, bah après c'est difficile, et puis je suis pas j'ai encore beaucoup je vois clairement que c'est un exercice qui est dans lequel j'excelle pas encore, parce que moi je suis assez admiratif des gens qui ne laissent aucun silence, puisque c'est un peu la règle, tu vois, de pas faire trop de stream où ça parle pas pendant des plombes et tout. Moi, avec les trucs que j'ai décidé de faire, notamment le dessin, etc., c'est un peu compliqué de faire les deux en même temps. Mais du coup, j'apprends justement à essayer de trouver un rythme qui convient, quoi. Bon, bah, en tout cas, sache que ce succès, parce que tu n'oseras pas le dire, mais il y a quand même beaucoup de gens qui te suivent. Comment on te retrouve d'ailleurs pour les gens qui écoutent le podcast et qui peut-être n'ont pas suivi encore sur ton aventure Twitch? Twitch.tv/AdrienMeniel, tout attaché. Bah super. Et voilà quoi. Aux dernières nouvelles, la dernière fois que j'ai testé, quand on cherchait Adrien Méniel dans le moteur de recherche Twitch, ça ne m'affichait pas. On tombait ça sur Sardoche, donc rien à voir. Voilà. Non, mais ça affichait des gens qui s'appelaient Adrien, mais pas moi quoi. Après, donc, est-ce que entre temps, tu es devenu partenaire Twitch, peut-être que ça a changé depuis. Alors, pas partenaire, mais affilié en tout cas. Affilié, oui, pardon. Partenaire, c'est en attente de validation de la part de... Puisque j'ai tellement streamé que j'ai atteint les 50 heures assez rapidement. Bah, t'es ni plus ni moins qu'un streamer. Je suis un streamer, exactement. et donc voilà, peut-être que maintenant, effectivement, j'ai pas retesté, peut-être que maintenant, ça trouve mon nom, quoi. Écoute, je te le souhaite. J'ai une petite surprise. Tu sais bien, c'est l'émission des surprises de toute façon. Il y a que ça là. J'ai non, il y a que ça. J'ai un petit mot pour toi. Salut, c'est PA. Je voulais te souhaiter un très bon anniversaire, Adrien. Honnêtement, c'est un honneur de pouvoir rendre hommage au grand streamer pro que tu es. Voilà, je voulais juste te dire merci aussi pour tout ce que t'as fait pour le streaming. Juste un merci de nous avoir permis de nous lancer. Merci pour tout, Adrien. Adrien Méniel, ouais, mais c'est un boss, c'est genre le Streamlord, c'est vraiment le boss de Twitch. Je pense que c'est l'inspi numéro 1 des plus grands. Hein. Yo, ça vaut quoi? C'est Gotaga. Petit message pour Adrien Méniel avant, je vois. Petit trait de boule avant. Ouais, petit message pour Adrien Méniel, bah voilà, c'était pour te dire félicitations, bon anniversaire et merci. Merci pour tout ce que t'as fait pour le gaming, pour le stream, pour Twitch. Et c'était pour te dire que voilà, dans mon cœur, tu es top 1. Voilà, c'est une référence à un jeu que j'apprécie beaucoup qui est Fortnite. Voilà, je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Je vais faire quelques top 1 encore. J'adore Fortnite, top 1. Salut. Merci beaucoup à PA Domingo, évidemment. Merci à Squeezie et à Gotaga d'avoir enregistré des messages pour te féliciter de cette nouvelle carrière et pour déjà tout ce que tu apportes au streaming pro. Ouais, bah écoute, encore une fois, tu vois, je voulais pas trop m'inventer. Voilà, mais c'est vrai qu'après le hip-hop, je me suis dit le hip-hop, au bout d'un moment, j'en ai fait le tour. Bah, c'est vrai que un genre entier musical, toi, ça te prend combien de temps dans ta vie? Quelques années, pas plus. Quelques années, voilà. Non, mais un peu. Tu vois, pour moi, le hip-hop, c'est un peu, c'était un peu le gamin à qui t'apprends à faire du vélo, tu vois. Donc au début, il a les petits trous, donc tu dois être derrière lui, tu dois l'encourager, etc. Ensuite, t'enlèves les petits trous, donc c'est encore. Il faut être encore plus présent parce que là, il y a la confiance qui entre encore plus en jeu. Donc, tu es derrière lui, tu l'encourages, il tombe, tu le relèves, etc. Puis au bout d'un moment, le gamin, il sait faire du vélo tout seul. il part faire du VTT dans la forêt, puis il a plus besoin de toi, tu vois. Et pour moi, c'est un peu ça le hip-hop, quoi. C'est vraiment le. Pour moi, ça, maintenant, il fait des saltos arrière sur des bosses dans la forêt, tu vois. Et puis, bah, moi, je suis là, il a plus besoin de moi, quoi. Il est lancé. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais. Quelle autre scène je pourrais propulser, tu vois. Et je me suis dit que la Twitchosphère était toute trouvée, quoi. Mais la Twitchosphère qui t'en remercie très vite, là, j'ai appris que Zerator allait renommer son event pour l'appeler Menieltor, ce qui est quand même une marque de ouais d'humilité assez dingue, quoi. Le Meniel Event, tu veux dire. La Meniel Event, ouais bien sûr. Parce que Zerator, c'est son pseudo, je crois. Mais il l'a changé aussi, dis-toi. D'accord. Ah ouais, non, vraiment. Le Meniel, du coup. Ah ouais, non, vraiment, il a. Ouais, ouais. Donc, d'accord. C'est le M-Event pour Meniel, effectivement. D'accord, et, ok. Voilà, et la petite subtilité cette année, c'est que tu seras le seul à streamer, mais ils espèrent quand même faire plus d'argent. Alors, ça n'est pas la seule différence, c'est que je serai le seul à streamer, mais aussi le seul qui récupérera les dons pour lui. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les dons seront reversés uniquement à moi aussi. Ouais, parce qu'en fait, au bout d'un moment, les assos, ça va deux minutes, et voilà. Ça fait du bien de s'acheter des choses. Moi, voilà. J'adore m'acheter des objets à titre personnel. Non, mais moi aussi, non, mais le deal était. C'est ce que m'a dit Zera, je l'appelle Zera. On te reverse l'argent intégralement, on te fait confiance, tu le reverses aux assos que tu veux, et si t'as envie de t'acheter un petit jeu Switch ou un truc comme ça, bah tu fais ce que tu veux, quoi. Mais c'est là où tu es streamer pro, et moi je mélange le nom d'un gars et le nom d'un event, c'est te dire à quel point je suis au top sur tout ce qui est stream et Twitch en règle générale. Donc voilà, ça c'était pour le stream. Bon, je vais pas revenir sur toutes les choses formidables que tu as accomplies au cours de ta vie. Ah, ok. Non, bah là, comme ça, de mémoire. Bon, évidemment, l'hommage à Notre-Dame, qui a permis quand même de lever énormément de fonds pour reconstruire. C'est grâce à cette story que tu as postée. La chanson Mes seins transpirent, m'aideras-tu à les nettoyer, qui s'est quand même retrouvé en top recherche Pornhub le jour où t'as enregistré la musique. D'ailleurs, on écoute un petit extrait. Mes seins transpirent, m'aideras-tu à le nettoyer? Mes seins transpirent, m'aideras-tu à le nettoyer? Et parmi tout ça, il y a cette image qui te colle à la peau. Alors déjà, bon, il y a tout ce que t'as fait pour le véganisme. Et là, je plaisante à moitié, puisque il y a quand même plein de gens de ton entourage qui sont devenus véganes grâce à toi. Mais également dans la survie, parce que tu as à cœur d'être un petit peu survivaliste, en vérité. Je suis prêt à tout. C'est ça qu'on peut dire. Je suis prêt à tout, à la fois je peux, en termes de réaction, je suis capable de tout, mais en même temps je suis prêt à tout dans le sens, je suis paré à toute éventualité. Toutes les épreuves la vue, la preuve, tu as chopé le Covid très vite. Exactement, volontairement, hein, parce que ça c'est quelque chose que je voulais clarifier, je l'ai chopé volontairement, c'est-à-dire que... Pour être immunisé. Dès que je voyais quelqu'un tousser dans la bouche, quelqu'un toussait dans la rue, pardon. Je leur mettais deux doigts dans la bouche et je léchais mes doigts systématiquement. Donc j'ai attrapé le Covid comme ça très rapidement. Et voilà, comme ça j'étais débarrassé. Et a priori, j'ai pas été testé, mais j'ai les anticorps les plus puissants de la planète, là, à l'heure qu'il est. Oui, d'ailleurs, tu vas en parler dans ton livre, Covid, une bonne chose de faite. Voilà, exactement. Voilà. Qui est disponible dans toutes les FNAC, mais vu qu'elles sont fermées, on ne peut pas se le procurer, malheureusement. Ça voilà, je suis en train d'enregistrer le livre audio en ce moment. Je fais une petite pause là. ce talent pour te parer à toutes les éventualités, il y a quelqu'un qui a voulu nous en parler, quelqu'un que tu connais bien, en tout cas quelqu'un chez qui tu vas régulièrement. Alors c'est quelqu'un qui va être fin connaisseur, d'accord, le Méniel. C'est-à-dire que nous, quand il vient pour nous demander un coup de talle multipoche, on sait qu'on peut pas lui la faire à l'envers. Il faut qu'on vienne discuter technique. Pas plus tard que la semaine dernière, il est venu me demander par rapport à un biwak qu'il voulait planter en plein extérieur. Il m'a demandé est-ce que vous avez tel mousqueton, telle longe. Moi, je peux lui donner une longe en 4-2. S'il la veut en 6-8, c'est clair et net qu'il va le remarquer. Ah, je vous cache pas, c'est un client qu'on adore recevoir en boutique pour la bonne et simple raison qu'il est fin connaisseur, d'accord. Il est fanat de survivalisme depuis des années 80, donc je veux dire, si c'est pour acheter un coutal multipoche, une gourde filtrante, il va même parfois aller se diriger vers des longes, des mousquetons, des petites lampes de poche, des lampiotes, enfin, c'est quelqu'un qui est équipé, ça c'est clair et net, et qui est très agréable également, ça c'est clair. Oh, des clients comme ça, on en voudrait vraiment tous les jours. On la remercie, évidemment, on la remercie. J'essaye de pas rire trop fort parce qu'en fait ouais, un enfant vient de se casser la gueule de sa trottinette juste sous mes yeux. Et bah c'est prévu mec, c'est un gars que j'ai engagé pour te faire rire pour c'est ton toi, anniversaire. Putain, c'est incroyable. Regarde de plus putain, près, c'est Boudère avec une perruque. Regarde de plus près. Oui oui, tout est bossé depuis le début, tout est travaillé. Putain, ok Boudère, dis donc. Non mais c'est pour dire j'essaye pendant que tu me passes les enregistrements, j'essaye de pas rire trop fort parce qu'en fait le système de son, parce qu'on se parle sur Skype, il faut préciser. Bien sûr. Et le système est fait de telle sorte que quand je parle, ça coupe ce que j'entends. Ah d'accord, ok. Donc du coup, quand je ris, ça me coupe pendant une demi-seconde le son. Donc j'essaye de pas rire trop fort pour continuer à entendre ce que disent les gens. Adrien, nous allons passer à la suite de cette émission. Une émission forcément qui sera peut-être un peu plus courte que les autres. Mais parmi les choses que tu as réussi à offrir au web, à Internet, il y a eu ce générateur de titres de films de Christian Clavier. Est-ce que tu peux nous en parler pour les gens qui ne savent pas de quoi je parle ? Alors, bah ça c'est l'origine de ce truc, c'était bon à l'époque j'étais un Twitchos, hein, encore une scène voilà que j'ai foncé. Un Twitchos, pas Twitchos, un Twitchos. Oh là là, tu vois le lapsus, le Streamlord, chasser le Streamlord, il revient au galop sur sa licorne. non, j'étais un Twitos aguerri, donc c'est encore une fois Twitter, une scène voilà que j'ai poncée, que j'ai propulsée et que maintenant voilà elle marche d'elle-même. J'ai plus besoin d'être là, donc elle s'envole même, hein, le petit oiseau bleu là, ça s'envole. Hein. Ah bah voilà, exactement. C'était un œuf à l'époque. Hein, quand je l'ai couvé, il a éclos, puis après le petit oiseau bleu il a pris son envol. Et maintenant il déteste l'islam quoi. Voilà c'est ça exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que dans son envol, sous son aile, il a pris pas mal de racistes, de sexistes, d'incels, de gens horribles. Je n'en prends pas la responsabilité évidemment. Évidemment. Non mais oui, et donc plus sérieusement, quelqu'un avait posté le pitch d'un film avec Christian Clavier qui était... je sais plus ce que c'était, mais un vrai projet. Je me demande si c'est pas le truc où sa fille est végane ou je sais pas quoi. Ah oui, alors c'est un film qui maintenant d'ailleurs n'est plus sous l'égide de Christian Clavier, puisqu'apparemment c'est Didier Bourdon qui va l'interpréter. C'est un film qui s'appelle 100% bio, exactement. Il devait jouer un boucher dont la fille se marie avec un végan. Voilà. Voilà, un boucher basque. Voilà, c'est ça. Et bon, bref, c'était à l'époque, c'était en projet et il parlait de ça. Et je m'étais dit, non, je sais pas si c'était ça vraiment le film qui était à l'origine du truc, mais je m'étais dit, putain, mais c'est incroyable. On dirait vraiment que tous les films de Clavier sont générés sont générés aléatoirement, quoi, parce que c'est toujours le même truc de. Il a un système de valeurs et il est obligé de cohabiter avec quelqu'un qui est en totale opposition ou qui vient clasher son système de valeurs, généralement un système de valeurs de droite. Et du coup, je me suis dit, bah, ce serait marrant de faire un générateur de pitch de films de Christian Clavier. Et du coup, je m'étais attelé à faire ça une après-midi. Et du coup le truc est disponible sur le web. C'est disponible sur le web et après sur ton site dépression.cool. Oui, que je vais d'ailleurs abandonner, enfin ce nom de domaine, je pense que je vais l'abandonner parce que finalement entre temps c'est devenu tellement un gimmick la dépression que ça m'énerve d'avoir ce nom de domaine, donc du coup je pense que je vais l'abandonner. Bah, sache en tout cas à l'époque, hein, parce que là, pour les plus jeunes d'entre vous, donc les gens qui n'étaient pas nés en 2019, donc là je parle à des gens très jeunes, hein, vraiment des très gens. Très jeunes. Ah ouais, non, des gens qui nous écoutent. Ouais, mais... bah, des nourrissons, hein, tout, ni plus ni moins. C'était repris par les Inrecuptibles, par Combini. On a vu des acteurs le partager sur leur compte Insta, un véritable buzz. C'était un buzz, ouais, c'est vrai que j'avais. Si le buzz est un taureau, moi je l'avais chevauché comme lors d'un rodéo, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et alors, petite surprise, donc tu as créé un générateur de Christian Clavier et nous avons au téléphone un invité. Ok, Adrien, quand ça va, ok. Flo ? Florent ? Ouais, je suis là, gars. Je suis avec Christian Clavier. Christian, est-ce que vous avez un bon anniversaire à souhaiter à Adrien ? C'est des Bon, je confonds. Tu confonds, c'est-à-dire ? C'était moi qui faisais clavier. C'était moi. J'ai pas réussi à la voir. Vraiment deviné, mais je voulais pas te. Comme tu t'as fait un. Enfin, c'est un super cadeau que tu me fais. Je voulais pas te. Mettre mal. Ouais, je l'ai appelé et puis non, pas de réponse. Il a pas donné de nouvelles. Ouais, non, bizarre, pas de news. Un horrible vu. Un texto laissé en vue. Donc. Je comprends. Bon, voilà. Bon bah écoute. Tant pis. On passe à la suite. Alors, un invité qui vient régulièrement dans cette émission, tu le connais, il a un cœur d'une couleur peu éclairée. Mais what ? Exactement, c'est une phrase qu'il peut répéter. C'est Pierre Lapin, il a tenu aussi à te rendre hommage. Je me rappellerai toujours de ma première rencontre avec Adrien. Je me souviens, Flo, tu m'avais invité pour un Floucast. Et on avait été au KFC. Et en rentrant chez toi, on a donc toqué. Et là, devant nous, se tenait Adrien. Nous ouvrons la porte en slip et en sueur. Je me rappelle qu'il avait pris soin de disséminer plein de mouchoirs pour nous faire croire qu'il s'était branlé. Et c'est là, ouais, c'est là où je me suis dit que cet homme allait me faire rire pour une pelletée d'années. Il a toujours été là pour me sortir du caniveau parce que je vis des hauts, je vis des bas. C'est pour ça qu'Adrien, je sais pas si tu entends ce podcast, mais sache que je te remercie. J'aimerais marcher dans tes pas, mettre mes mains dans tes mains comme au Planet Hollywood. Je te souhaite une carrière, une putain de carrière, mon pote, mon frérot. Et j'espère qu'un jour, quelqu'un te tendra la main comme tu l'as fait pour moi. Et que ton chemin évite les bombes. Prends soin de toi, mon pote. Et si tu pouvais juste me rendre au The Witcher 3 aussi. Vu que tu as jamais joué, donc voilà. Ouais, merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Pierre, pour ce message. Ô combien touchant. C'est vrai qu'il m'a prêté The Witcher 3 et que j'y ai joué des minutes et j'ai détesté. Et je lui ai jamais rendu pour l'instant. On va passer à une partie un peu plus premier degré, Adrien. Et peut-être... Okay. Que cette partie, elle est entre nous et qu'elle sera pas partagée à la face du monde parce okay. que les cœurs sont à nu, Adrien. OK. En 2011, je m'apprêtais à sortir mon premier livre. J'avais décidé de l'auto-éditer et donc de le réaliser de A à Z, maquette et mise en page comprises. Pour illustrer les articles, j'avais créé des pictogrammes, mais pour les têtes de chapitre, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus élaboré. Dans l'idéal, je rêvais de beaux dessins, mais hélas, je n'étais que graphiste. M'en trouvant fort dépourvu, je faisais part au Ménilastre des obstacles qui se dressaient devant moi. J'étais loin de me douter que le bougre me préparait un chien de sa chienne. Quelque temps plus tard, il m'expliqua qu'il avait parlé de mes problèmes d'illustration à quelques amis, et que les amis en question, ainsi que lui-même, seraient ravis de contribuer au projet. Les amis en question étaient Boulet, Capucine, Libon, Laurel, Marion Montaigne et Manu Larsenet. Voici comment, grâce à Adrien, à qui je n'avais rien demandé, mon premier livre se trouvait illustré par quelques-uns des meilleurs auteurs de BD français. Merci, vieux sage. Il parle de quelle BD ? C'est quelle BD ? C'est Axolot ? C'est pas une BD, c'était... en fait, il avait... parce que à la toute base, c'était un blog, Axolot. C'était son blog. Ouais. Et il avait décidé de sortir un bouquin... un bouquin Axolot qui voilà, reprenait, je sais pas si c'était exactement les articles ou s'il les avait remaniés un peu, mais en gros c'était des articles sur les trucs insolites du monde, etc. Mais comme il le dit, c'était un truc auto-édité, quoi. Il passait par je sais plus quel service, je sais pas si c'était lulu.com ou un truc comme ça, mais du coup il l'avait auto-édité, c'est-à-dire c'était un truc où tu t'uploadais ton PDF de ton bouquin, enfin tu t'uploadais ton PDF et ensuite les livres étaient imprimés à la commande, quoi. Et c'était, ouais, c'était il y a combien de donc temps? Donc c'était pas une BD, c'était 2011, donc ouais. C'est il y a 9 ans. 9 ans. Et, mais c'était pas une BD, c'était en gros pour chaque chapitre, il voulait une illustration, quoi. Magnifique. Patrick Bourg, je remercie, mais c'est fou, je lui ai vraiment envoyé un texto les 3 minutes d'après. Il avait l'anecdote, il me l'a donné avec sa voix de si suave, si belle. Incroyable. Un chien de sa chienne. Je l'ai adoré. J'ai adoré. Bah oui, bien sûr. J'ai adoré. Et ce chien de sa chienne est maintenant ma sonnerie de réveil que, qui me permet de passer une excellente journée dès le début. Le message d'après, c'est celui de Julien Méniel qui nous partage une anecdote assez personnelle. Je le remercie. Je suis vraiment devenu Michel Drucker. Ouais, salut tout le monde. Salut Flaubert. Salut le Floatcast. Salut les Floatcastaldi. Salut Adrien surtout. C'est Julien. Hein, c'est Julien, ton frère. Avant de raconter ma petite anecdote, je voudrais en profiter que tu es obligé de m'écouter, Adrien, pour te présenter officiellement, publiquement et platement mes excuses pour avoir été le pire grand frère pendant un certain nombre d'années, pendant notre enfance. Je voudrais te demander pardon de t'avoir fait saigner du nez pendant une journée entière après t'avoir jeté un chien en plastique au visage. Je voudrais te demander pardon de t'avoir torturé pendant des vacances en Bretagne en me planquant tous les jours dans le grenier de nos grands-parents et en prenant une petite voix aiguë pour me faire passer pour une petite souris menacée de mort que toi seul pouvais sauver et que tu n'as pas réussi à sauver à ta plus grande tristesse. Je voudrais te demander pardon de t'avoir fait croire tout un été que tu pouvais tranquille mettre ton nez sur mon cul, qu'il allait se passer un truc génial, mais que j'allais pas péter, et d'avoir pété à chaque fois. Voilà, et puis pour plein d'autres choses, voilà, toi-même tu sais. Donc je te présente mes plus plates excuses. Petite anecdote, courte, pas si drôle en vrai, mais hyper symbolique. Il faut savoir que notre père, feu notre père, était un dingue, était féru d'humour, était un dingue d'humour et particulièrement d'histoires drôles. Je crois qu'Adrien a déjà raconté ça, il avait un carnet de blagues. Et comme Adrien, comme tous les enfants, hein, comme moi et tant d'autres, était hyper admiratif du daron, il s'était mis en tête de... un jour de raconter une histoire drôle, et il était arrivé hyper fièrement, je sais plus exactement dans quelles circonstances, mais on était tous là, et il avait annoncé qu'il avait une histoire drôle à raconter. Donc, un moment un peu solennel, il était hyper fier, il était tout petit, hein, je sais pas à quel âge il avait, mais il était tout petit. Et il raconte son histoire, je m'en souviens, mais je préfère pas spoiler, puis je pense que lui pourra la raconter mieux que moi. Et il fait un bide énorme, c'est-à-dire que vraiment, flop, mais de ouf, bide monstrueux. Donc on se regarde tous un peu gênés, on ricane un peu, mais pas ouf, quoi. Et Adrien se rend bien compte qu'il fait un bide et il se met à chialer, donc on essaye de le rassurer, lui dire « mais non, mais ça va, c'est pas grave, c'est pas grave, machin, etc. » Et lui, il est inconsolable, et à un moment, le daron lui dit... Ah, ben ça va, écoute, bon, c'est pas de ta faute si elle est nulle, de toute façon. Et là, Adrien se met à chialer, mais genre deux fois plus fort, en disant, mais si, parce que c'est moi qui l'avais inventé. Et donc là, pour le coup, notre père se met à éclater de rire. Et globalement, on se met tous à rire vraiment très fort et pendant très longtemps. Ce qui fait encore plus chialer Adrien. Et donc, c'est devenu une blague, finalement. Que notre père aimait bien ressortir régulièrement, voilà. Et c'est assez symbolique de ce petit garçon qui était Adrien, qui était déjà obsédé par l'idée de faire rire les gens, et notre père en particulier, qui prenait ça déjà très à cœur, hein, au point d'être parfois un petit peu soupolet, on va dire. Et puis c'est assez symbolique aussi de notre père, qui était une personne, donc manifestement, comme vous l'avez tous constaté, une personne pleine de tact et de bienveillance, voilà. Donc voilà, petite histoire symbolique, Adrien. Je vous embrasse tous, je t'embrasse Adrien, je t'aime. Bon anniversaire. Voilà, merci Julien, merci beaucoup. Ouais. Quel message. Là, je me souviens de la blague, effectivement. Je voulais préciser que quand il dit qu'il m'a torturé, genre, il m'a pas pété au nez pendant un été entier, j'étais pas non plus un débile à ce point-là. Il m'a pareil pour la c'est souris. Fou, hein, ça il fait dit... 5 fois. De quoi ? Ça fait 5 fois que j'ai de la merde dans ma bouche. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Julien ? Alors, non mais attends, c'était pas non plus, il était pas cul nu, hein. Non mais calme-toi, parce que si c'est pour humilier, je coupe. Je suis survolté. Non mais pardon. quand il dit qu'il s'est caché tous les jours dans le grenier, c'était une fois, hein, c'était pas non plus tous les jours. Mais c'est vrai que c'était assez de la torture mentale, ce truc. Où effectivement, il se faisait passer pour une petite souris, avec ma cousine, si je me souviens bien. Il se planquait dans un endroit qui était, qu'on pouvait pas voir depuis la porte d'entrée du grenier. Et il prenait une petite voix de souris, et il disait que c'était une souris qui allait mourir. Et qu'il fallait que je les sauve, mais il me disait pas comment. Et moi, j'étais un enfant, tu vois. Donc je disais, je sais pas comment faire. Et du coup, il jouait la mort des souris. Et donc moi, je pleurais. Donc, bah oui, pour des raisons évidentes. Voilà. Bon, bah écoute, il a présenté ses excuses. De toute façon, je lui avais pardonné tout ça depuis bien longtemps. Mais voilà, oui, c'était effectivement mon meilleur souvenir de vacances. Mais la blague. Alors, est-ce que tu t'en souviens de cette blague? Alors la blague, le truc, c'est que. Alors je sais pas si c'est moi après coup qui ai remanié parce que c'est vrai que c'était devenu un peu une légende urbaine de la famille cette blague, bon, qui était nulle à chier, hein, mais je pense que j'avais 6 ans, tu vois. Mais je sais que moi toute mon enfance, alors je vais te dire la blague telle qu'elle a été colportée dans la famille pendant des années. Donc c'était, putain, alors j'essaie de m'en rappeler, oui, c'était genre deux personnes. Ah, je suis heureux. C'est pour moi le meilleur moment de toute l'histoire de Floodcast. Donc je t'écoute. Je suis pas sûr de m'en rappeler exactement, mais c'était genre c'est deux Belges. Putain, je me rappelle plus. Mais c'était des Belges déjà. Hein. Il y avait un accent qui était. Il y avait un accent déjà. Que tu maîtrisais ou que tu maîtrisais pas. Bien sûr que non. Ah oui, voilà. Après, c'était comme tous les humoristes français qui faisaient des blagues belges. Donc oui, c'était. Bien sûr. Mais sauf que moi, j'avais l'excuse d'avoir 6 ans, quoi. voire moins. Et je crois que c'était genre deux Belges, et il y a un Belge qui ouvre une boîte de sardines, et l'autre Belge lui dit avez-vous fait le voyage en France une fois? Fin de la blague. Donc, donc ça c'était la blague telle qu'elle était colportée dans la famille. On disait, et donc évidemment on le racontait à des personnes qui ne connaissaient pas l'anecdote devant moi, parce que pourquoi ne pas m'humilier pendant des années à la suite de ça. Mais moi, tel que je me souvenais de cette blague quand j'étais enfant, quand je l'avais racontée, alors ça ne rend pas la blague tellement plus drôle, hein. Mais c'était que en préambule, je disais que ça se passait en France. Je crois que c'était ça en fait dans ma tête. C'était que il lui disait avez-vous fait le voyage en France une fois, et que comme ça se passait en France, c'était genre bah oui, il l'a fait une fois puisqu'il est en France. Oui. Donc c'était ça la blague, tu vois, c'était un peu une blague d'intello en fait. Ouais, c'est où il y allait, quoi, c'est ouais, voilà, c'est ça, c'était pour dire évidemment qu'il a déjà fait un voyage en France une fois. Puisqu'il est en France en ce moment, donc il l'a au moins fait une fois. Pour moi, dans mon souvenir, c'était ça la blague. Alors, elle reste nulle. Non, mais, attention. Mais du coup, moi, j'enrageais quand il répétait ma blague, parce que je disais, mais c'était pas ça. Le début, il disait qu'il était en France. Bon, voilà. Et donc, du coup, voilà, effectivement. Mais l'anecdote avec mon père qui dit, c'est pas de ta faute si elle est nulle. Et je disais, bah si, parce que c'est moi qui l'ai inventé. Et tout à fait, sur le moment, tout à fait authentique et humiliante. Et c'est vrai que c'est peut-être un... Bah voilà, c'est formateur après, tu vois. Ensuite, quand t'es en salle d'auteur et que tu proposes une blague et que ça rigole pas, et tu te dis, écoute, c'est pas grave, j'ai déjà vécu cette humiliation quand j'étais enfant, puis régulièrement à chaque repas de famille... puisqu'elle a été répétée, donc c'est peut-être un traumatisme qui a fait que depuis je peux faire ce métier, quoi. Adrien, alors je vais pas les lire parce que ce serait ridicule et voilà, pas forcément ultra intéressant, mais plein de gens, plein d'auditeurs t'ont envoyé de très jolis messages. Je te donnerai évidemment le lien pour accéder à tout. Alors sache qu'il y a quand même plusieurs cadeaux qui sont prévus, parce que voilà, tu pourrais te dire, dis donc, c'est bien mignon tout ça, mais... Et l'oseille. Et l'oseille. Bah tiens, l'oseille, alors, plus un problème maintenant que je suis Streamlord, hein. Donc bon. C'est vrai. C'est vrai. Écoute, je t'ai offert. Et alors il faut, bon, faudra que tu y ailles, hein. Il faut juste tout que tu, il faut du coup que tu te déplaces dans le 97 à l'aisance d'Arlay. Ok, bien sûr. Tu vas pouvoir faire un baptême de plongée dans l'entreprise Crazy Frog. Quoi? Tout simplement. C'est une entreprise pour faire de la plongée qui s'intitule Crazy Frog. Ils ont un site internet, hein, qui s'appelle crazy.frog.free.fr. et tu pourras aller faire un peu de plongée chez eux, voilà, avec joie, avec plaisir. Je t'invite à faire un petit tour sur leur site qui est, bah voilà, qui est extrêmement intéressant. Aucun rapport avec Crazy Frog, on est d'accord. Aucun rapport, à part que potentiellement sur le logo il y a une grenouille qui est un peu crazy. Un peu déjantée. Ouais. Si tu fais un petit tour dans le 24, alors est-ce que tu sais ce que c'est le 24 comme département ? Bien sûr, c'est la Charente. C'est la Dordogne, mais t'étais pas loin. Donc si d'aventure, après avoir fait un petit peu de plongée dans le 97, sachant que le 97, je t'ai pas dit, mais c'est la Martinique. Ah bien sûr, Non, bien sûr. Ouais. Bah, sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc si d'aventure, une fois que ça s'est fait, tu as envie d'un bon repas en Dordogne, eh bien tu as le droit à un repas à Crazy Frog, un pub restaurant à Saint-Estèphe, dans lequel tu pourras te nourrir. Je vais y aller par contre. Oui, bah n'hésite pas. dès qu'on peut rouler à nouveau, je fais ma mission d'aller boire une bonne bière. Qu'on peut rouler à nouveau dans ta voiture qui s'intitule comment déjà, j'ai oublié. Qui s'intitule Jeannot. Jeannot la voiture. Et alors si, encore une fois, d'aventure, tu vas en Belgique, dans laquelle une petite ville dans laquelle tu pourras raconter ta petite blague, hein, ton excellente blague. Tu pourras aller à la Clé d'Or. Alors seulement, voilà, tu ne pourras y aller qu'en janvier parce que c'est tous les mois de janvier. Il y a le festival de la confrérie Crazy Frog, dans lequel tu peux prendre un apéro, des spaghettis bolognaises et un dessert pour seulement 12,50€. Pas cher, ou, ça va, ou, pas mal. Ou si tu es un enfant, si tu viens avec un enfant, une boisson, des spaghettis bolognaises et un dessert également, à seulement 7,50€. Voilà. Seulement, tu feras attention. Par contre, les réservations s'arrêtent un mois avant et le nombre de places est limité. Et les repas sont servis entre 12h et 16h. Donc voilà. Il est évident que ça n'a aucun rapport avec Crazy Frog. Ah, alors, sur le logo, il y a une grenouille avec une couronne qui boit de la bière. Avec ah oui, donc elle est complètement folle en fait. Complètement folle, avec écrit en dessous, il faut le boire pour le croire. Oh, joli. Oh là là. Je t'ai prévenu, donc, elle est complètement crazy. Hein. Mais donc, ce qui est fort, c'est que c'est à la fois un plagiat de Crazy Frog et des pubs, le Frog, la chaîne de pubs Frog, où il y a une grenouille qui boit de la bière. Alors visiblement non, parce que le restaurant dans lequel ça se passe, c'est la Clé d'Or. C'est plutôt la confrérie Crazy Frog. Alors je ne sais pas ce que oui, c'est. Oui, je parle du logo. Ah, le logo, c'est ça, le logo. Mais le logo, on dirait un peu les trucs que tu achètes pour les mariages ou les machins, genre une année, bah pour les anniversaires, une année de plus. Attention aux cheveux blancs, enfin tu vois des trucs comme ça, des trucs comme ça. D'accord. C'est un très beau logo. Bah, je te l'enverrai avec grand plaisir. Adrien, merci beaucoup. Ben, merci à toi, c'est incroyable, je savais pas du tout que ça allait être la teneur de ce Floodcast. C'était une surprise, alors j'en profite pour remercier tous les gens qui ont gentiment participé. Je parle évidemment de JB de Tales from the Click, ce sera aussi mes recommandations culturelles. Ouais. Allez suivre tous ces gens, ils sont tous très forts. JB voilà. De Tales from the Click, Domingo, Squeezie et Gotaga, ce qui est quand même ça, assez dingue quand même. Laura Felpin évidemment, que vous pouvez retrouver sur Quotidien et sur son Instagram. Pierre Lapin, Pierre Labzouz, que l'on peut retrouver sur Twitch, voilà. Pierre Lapin, c'est que Pierre Lapin ou Pierre Lapin Live, merde, je me souviens plus. Je lui donne l'occasion de s'en plaindre. Patrick Beau avec la chaîne Axolot, qui a fait pendant le confinement des étranges escales sur Google Maps. Très très bien. Julien Méniel, la chaîne Dans ton corps, où il a enfin terminé de se détatouer le cul. C'est aussi une autre de tes œuvres, Adrien, au final. Pour moi, c'est ma vengeance de cette histoire de souris. J'ai étudié pendant des années la formule pour faire un dessin ineffaçable et je lui ai fourni. Collé sur le cul, mais là je crois qu'il arrive au bout. Il arrive au bout. Oui. Mehdi Maizi, évidemment, sur Instagram. Et alors je sais pas si en ce moment il avait prévu de relancer des trucs, je ne pense pas que ce soit encore fait, mais il va arriver. Non, il refait très des lives, je crois. Hein. Non, il refait des lives, mais je parlais des trucs de. Plus pro, tu veux dire. Voilà, des trucs avec des entreprises qui le rémunèrent plutôt. D'accord, et, oui. Ça, je crois que c'est en cours, mais que ce n'est pas encore fait. Big Flo, merci beaucoup à Big Flo d'avoir laissé un message. Bref, merci à toutes et à tous, j'espère n'avoir oublié personne. Au pire, je la rajouterai au montage, je m'en balèque. Et merci Adrien, et encore très bon anniversaire. Au revoir tout le monde, ciao, bye. Merci beaucoup. Salut, bye, ciao. Si la lecture est un voyage, alors les mots sont des navires. Bonsoir et bienvenue dans notre émission Au pays des lettres. Aujourd'hui, nous recevons Violaine Laforge. Violaine, vous revenez d'un voyage de 6 ans en Mongolie. Bonsoir. Bonsoir. Et nous recevons également Pierre Brossard, qui vient nous parler de son dernier livre, La Maladresse. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Alors, vous êtes un spécialiste de l'affaire Jourdeau, et votre livre parle de cette histoire, celle de Pierrick Jourdeau, brillant homme d'affaires, qui a soudainement assassiné son frère le 16 décembre 2009. Non, désolé, je vous reprends déjà, mais vous employez le terme assassiné, qui a une connotation qui me déplaît, parce que ça ne reflète pas du tout la vérité sur ce geste malheureux, cet accident qui aurait pu arriver à n'importe qui, et qui a malheureusement provoqué la mort de son frère. D'où le titre, La Maladresse. Oui, enfin, il a quand même poignardé 17 fois dans la tempe, non? Ouais. Écoutez, je ne savais pas, donc voilà. Je ne savais pas, ça ne me surprend pas, c'est une hypothèse, il y a toujours des théories qui se bousculent. Alors non, ce n'est pas une théorie, puisqu'il a été condamné pour meurtre. Oui, je crois qu'il a même plaidé coupable. Vous paraissez surpris, Pierre, mais pourtant vous êtes un spécialiste de l'affaire. Spécialiste, ça ne veut pas non plus dire omniscient. Vous savez, il y a des informations qui sont secrètes, qui sont très bien gardées. Moi, j'en ai entendu parler en Mongolie. Oui, elles sont secrètes en France, c'est ce que je voulais dire. Mais moi, je l'ai lu sur lemonde.fr. Bon, enfin, vous savez comment est fait le système judiciaire, hein, ça ne serait pas la première fois qu'on pousse un innocent à la confession. Et pour ma part, moi, je ne me focalise pas sur un moment de faiblesse où tout peut arriver, mais sur les 6 ans qui ont suivi la condamnation. 6 années, c'est le temps qu'a consacré Pierrick Jourdeau pour écrire son livre « 100% coupable, comment j'ai assassiné mon frère, récit d'un meurtre avec préméditation ». Pierre. Oui, bien sûr, évidemment, 100% coupable. Rappelez-vous tout de même que nous avons affaire à un individu qui n'a plus toute sa tête, malheureusement. Et quant à moi, évidemment, malgré le titre un peu provocateur de mon livre, le propos est nuancé et je laisse la part libre à l'interprétation, évidemment. Voici la seule et unique vérité de l'affaire Jourdeau. Quiconque prétendra contredire les faits est un fou ou un idiot. La quatrième de couverture. Très bien, mais laissez-moi vous poser une question, monsieur Latour. La victime a été poignardée au sol. Et comment expliquez-vous que les voisins du dessous n'aient rien entendu? C'est impossible. Si c'est de la moquette, ça absorbe le son à 100%. Nous, on utilise ça en studio. Peut-être qu'après, il n'avait pas de moquette chez lui. Pierre? C'était de la moquette. La moquette. Mais alors la moquette, parlons-en de la moquette. Alors la victime est poignardée au sol et on ne retrouve aucune trace de sang sur la moquette. Or tous les spécialistes vous le diront, c'est impossible de faire partir des traces de sang sur de la moquette. Si, c'est possible. Oui, bon voilà, donc l'intelligentsia de la télévision française s'amuse à me contredire, c'est bien, ça fait de l'anonymat, hein. Mais le public, monsieur Latour, le public est d'accord avec moi. Très bien, je crois que vous aviez prévu de me piéger, c'est ça? Malheureusement pour vous, je connais un petit peu les ficelles de la télévision et je vous garantis qu'aucune de ces images ne sera diffusée. Voilà. Nous sommes en direct, Pierre. C'est du live. Oui, forcément. Bonsoir. La Mongolie, donc. Kampot, Siem Reap. C'est au Cambodge, ça. Allez, ça reste.